franceinter.fr. Radioscopie. Radioscopie, Johnny Hallyday, Jacques Chancel. Tout à l'heure, vous avez entendu Johnny Hallyday, vous n'avez pas reconnu sa voix et pour cause, puisque Johnny Hallyday est pris dans quelque encombrement quelque part dans Paris. Il nous a téléphoné, ce qui est d'une élégance rare. Il arrive, alors vous savez, nous jouons toujours le jeu du direct. Et comme j'ai le goût du paradoxe, puisque Hallyday n'est pas là, je me permets de vous offrir Sylvie Vartan. Je fais le compte de mes invités en retard. C'est un tableau d'honneur qui en vaut d'autres. Et la liste n'est pas très longue dans le fond, puisque sur 500 personnalités reçues à Radioscopie, peu ont été retardées. Mais quand même, cette liste vaut la peine d'être lue. Il y a eu Michel Audiard, Johnny Servoz-Gavin, Edwige Feuillère, Yves Saint-Martin. Je précise que tous avaient leur raison et que tous sont venus. De toute manière, je vous l'ai dit tout à l'heure, Johnny Hallyday arrive. Si j'ai bien vu le cinéma, je suis obligé de considérer qu'il a trouvé son point de chute. Il devrait être là dans 5 minutes, puisque tout à l'heure il m'a téléphoné pour me dire qu'il aurait un quart d'heure de retard. Si après ce disque il n'est pas là, c'est qu'une fois encore j'aurais été un peu naïf. Enfin, on le recevra quand même après, car nous sommes bien élevés. Profitons-en, changeons de climat musical. Vivaldi, concerto pour deux violons. Autre chose. Venez à l'idée, nous nous voyons depuis très longtemps, nous nous croisons, nous nous parlons et tout cela va si vite que, très sincèrement, nous ne nous connaissons pas. Vous êtes là, je suis content, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a chez moi de la graine de fan. Je suis très éloigné de ces poussées orageuses, mais ce que je ressens pour vous est, très sincèrement, plus solide, j'ai envie de vous comprendre. Parce qu'aujourd'hui, malgré la gloire, malgré la fortune, malgré le succès, vous êtes, me semble-t-il, encore très incompris. Et je me demande si vous, Johnny, vous vous connaissez bien. Ben, je crois qu'on ne se connaît jamais vraiment soi-même très bien. Parce que, enfin, surtout dans le métier que nous faisons, parce que nous vivons, comme vous le dites, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous vivons dans un tourbillon assez vite. Nous n'avons pas le temps non plus de comprendre et d'aimer les gens que nous aimons bien. Nous fréquentons trop de gens par obligation dans ce métier. Vous voulez dire sans intérêt ? Il y en a sans intérêt, oui. Il faut passer par cela, souvent. Souvent, il faut passer par cela, oui. Mais enfin, je crois que ce n'est pas uniquement dans mon cas. Je crois que ça fait partie un peu de tous les entourages des gens qui font ce métier. Je n'ai l'idée, il est difficile de se connaître soi-même, mais il est parfois utile de se chercher. On va essayer d'y voir plus clair. Vous êtes aujourd'hui la vedette d'un film, Point de chute, de Robert Hossein. Et moi, j'ai découvert un visage. Je vous ai rencontré 6 années durant. Et peut-être pour la première fois, je vous ai vu. Car il y a quelque chose qui se passe. Il y a des yeux. Et puis il y a un autre homme. Et même, je vais beaucoup plus loin. J'ai l'impression qu'enfin, vous avez voulu être un homme. Vous ne l'étiez pas tout à fait jusqu'à présent. C'est-à-dire que je crois que Robert Hossein m'a donné la chance d'interpréter à l'écran autre chose que ce que les gens avaient l'habitude de voir en moi. C'est-à-dire que jusqu'à présent, bon, moi, je n'avais fait que des films dans le style... enfin, en comparaison, je ne vois pas très bien ce qu'il y a parce que je pourrais dire Presley, par exemple, en Amérique. Je parle au point de vue cinéma. Vous voudriez être Presley ? Non. Non, mais jusqu'à présent, on m'a toujours pris au cinéma comme prétexte en comédien, mais surtout pour me mettre une guitare, en fin de compte, dans les mains, avec un happy end. Et on n'a jamais voulu me faire confiance en tant qu'acteur à l'écran. Et Robert Hossein est le premier qui m'a fait confiance, ainsi que, je dois le dire très honnêtement, M. Tenuji, qui est le producteur de ce film, qui a osé, qui a eu le culot d'essayer de me faire faire autre chose qu'un chanteur à l'écran. Quoi. Est-ce que maintenant vous vous prenez un peu au sérieux, mais dans le sens noble du terme ? Pas la grosse tête, simplement croire en... Non, je crois pas qu'il faut se prendre au sérieux dans ce métier, parce que c'est un métier quand même... c'est un métier... Je crois qu'il faut pas avoir la grosse tête, parce qu'en fin de compte, on est des gens comme tout le monde. On fait un métier pas un, tout peu, à fait, quand un même. Peu différent. Non, ça vient un peu du fait qu'on fait un métier différent. Mais on est quand même quelqu'un, je veux dire, de normal. On fait un métier. Vous pensez que vous êtes quelqu'un de normal ? Il y a 2 personnes qui, à mon avis, ne sont pas normales. C'est pas leur faute. Oui. C'est Bardot et vous. Ah bon ? Et moi, je me suis toujours pris pour quelqu'un de normal. C'est pas votre faute. C'est le public. Oui, enfin, il faut quand même tenir compte aussi de non plus ne pas décevoir les gens dans une certaine forme. Il faut pas non plus avoir l'air Si je vais dans un spectacle, par exemple, comme au Palais des Sports, et que j'arrive à habiller sur scène comme un bourgeois, obligatoirement, il y aura une grande partie de mon public qui sera déçu. Donc je suis aussi un peu obligé de tenir compte de cela. Vous vous forcez, alors? Je ne me force pas, non, je ne me force jamais. Est-ce que, dans le fond, vous ne seriez pas qu'un bourgeois? Oui, d'abord, qu'est-ce que c'est un bourgeois? Je vous le demande. Je ne sais pas. C'est une chose qui ne vous égratigne pas? Non, pas du tout. Johnny Hallyday, on va essayer d'aller à la recherche du temps passé, et j'ai l'impression que pour vous, quand même, ce n'est pas du temps perdu. On a dit beaucoup de choses sur votre naissance, on vous connaît trop pour vous connaître bien. Et moi, j'aimerais savoir d'abord ce qu'étaient vos parents, parce qu'on a écrit tant de choses qu'on finit par ne plus rien y voir de très clair. Eh bien, ma mère était française, mannequin à Paris. Mon père était belge. Ils se sont séparés quand j'avais l'âge de 6 mois à peu près, et j'ai été élevé par la sœur de mon père. Vous avez quel âge? 27 ans. Il y a chez vous, parfois, lorsque je vous rencontre, un côté traqué. Est-ce que ça vient de cette enfance sauvage, ou de cette enfance abandonnée, ou de cette solitude qui, dans le fond, ne vous a pas quitté? Ça vient du fait que j'ai eu, étant très jeune, d'abord très peu d'amis, parce que la famille qui m'a élevé était un couple de danseurs. Lié à l'idée, je pense que vous le connaissez. Et je voyageais dès mon plus jeune âge à travers toute l'Europe. L'Allemagne, la Belgique, la Finlande. Et je n'ai jamais pu m'établir dans un endroit stable, avoir des amis, jouer avec des enfants de mon âge, aller à l'école. Et peut-être que ces tas de choses-là, des fois, comment dire, me gêne. Des fois, je n'ai pas suivi une éducation assez suivie. Des fois, j'en ai été très malheureux jusqu'à l'âge de 25 ans, 24 ans. C'est une mère qui vous a manqué, surtout? Non, c'est surtout un père. Surtout un père parce que j'ai été élevé, pour ainsi dire, que par des femmes. Vous auriez été autrement si ça s'était passé d'une manière différente avec des parents attentif, affectueux? Oui, ce qui m'a beaucoup manqué quand j'étais jeune, c'est que chez moi, quand j'entrais à la maison, j'avais pas tellement de compréhension. Et puis, dans mon quartier, tout le monde savait que j'avais, en fait, mes parents avaient divorcé, j'étais un peu mal vu par les enfants du quartier. Alors, on m'acceptait pas, par exemple, de temps en temps, j'avais des amis, mais les parents ne m'acceptaient pas chez eux. Et j'en ai souffert jusqu'à l'âge de 18 ans, de ça. Vous avez fait des études? Non. Un enfant de la balle? Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un besoin d'enrichissement? Est-ce que vous avez envie oui, de savoir des choses? Si, si. Je vous pose la question. Oui, non, mais je vous réponds très honnêtement, oui. Il y a beaucoup de choses qui me manquent. Oui, je mais ça peut s'apprendre. Ça peut s'apprendre, oui, mais on fait un métier, vous le savez, on est toujours à droite et à gauche, on n'a pas tellement le temps d'apprendre autant qu'on aurait envie. Et si on a le temps, des fois, on est tellement fatigué qu'on a envie de se reposer et de ne rien faire. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de vengeance chez vous? Vous vengez de ce qu'a été votre jeunesse? Essayez de dépasser la dureté de... Je pense qu'il y avait un peu de vengeance, oui, au début, quand j'ai commencé ce métier, plus maintenant. Parce que vous êtes sûr de vous être installé? Plus maintenant, parce que, en fin de compte, je ne sais faire que ce métier, et j'essaie de le faire le mieux que je peux. Johnny Hallyday, vous êtes l'une des aventures les plus fascinantes du spectacle depuis quelques années. Ça, on vous aime ou on ne vous aime pas, mais il faut le reconnaître. Est-ce que vous en êtes conscient? Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes le fruit d'une révolte des jeunes vis-à-vis de certains aînés? Vous êtes arrivé, c'est-à-dire, au très bon moment. C'est-à-dire, je suis arrivé dans ce métier en chantant du rock'n'roll au tout début, alors que le rock'n'roll était pratiquement une musique inconnue en France, et en plus, pas du tout acceptée par un certain milieu. Et comme on l'a dit d'ailleurs souvent, à l'Alhambra, il y avait le haut qui était pour moi et le parterre qui était contre. Moi, je dois vous dire, d'ailleurs, parce qu'il faut en revenir à cette fameuse soirée de l'Alhambra, la grande mode dans ce métier, c'est de dire je l'ai vu la première fois et j'ai tout de suite compris qu'il ou qu'elle serait une immense vedette. Moi, je vous, très sincèrement, que lorsque je vous ai vu la première fois, j'ai été étonné et je me suis trompé. Je me suis dit non, il n'ira pas loin. Mais je l'avoue, il est plus préférable de dire les choses. Pour vous dire très très honnêtement, j'y croyais pas tellement moi non plus. Mais c'est parce qu'il y a eu cet échec de l'Alhambra, cette espèce d'indifférence de la salle et ce succès du balcon que vous avez été obligé à vous forcer à aller plus loin. Non, parce qu'au début, j'étais pris dans l'engrenage des impresarios, des hommes d'affaires qui ont peut-être vu en moi un moyen financier. Comme je suis tombé dans cet engrenage-là, ils ont commencé à me faire faire gala sur gala, spectacle sur spectacle, et je n'ai pas arrêté. Est-ce que maintenant vous avez beaucoup changé? Je pense, oui. Depuis combien de temps? Depuis mon service militaire. Je pense que... moi, je ne suis pas pour l'armée, personnellement. C'est-à-dire, je ne suis pas pour la guerre. Donc, l'armée, pour moi, signifie guerre. Mais je pense que faire son service militaire, quand dans la vie, on n'a pas eu grand-chose, je pense que c'est un bien, car en 18 mois, je crois qu'on peut retrouver un peu l'ambiance d'une famille. Et j'ai gardé de très bonnes relations avec des... soi-disant... La bête noire, c'est toujours, pour un soldat, c'est toujours un adjudant. J'ai de très bonnes relations avec mon adjudant, aussi étrange que ça puisse paraître. Et moi, je garde un très bon souvenir de mon service militaire. Génialité, votre réussite, c'est celle des adolescents qui, à une certaine époque, ont voulu se retrouver en vous. Est-ce que vous estimez qu'à ce moment-là, vous étiez un exemple? C'est-à-dire que moi, l'exemple pour moi, à cette époque-là, j'essayais de ressembler surtout à James Dean. Et comme James Dean était mort, enfin, c'est-à-dire, j'avais 15 ans, 16 ans à l'époque, j'ai essayé de me coiffer comme lui, j'essayais de me décolorer les cheveux, j'essayais d'avoir la même couleur de cheveux qu'il avait. Quant à si moi j'étais un exemple pour les jeunes en France, je pense que je n'étais pas un mauvais exemple dans le sens où ça permettait. Il vaut mieux que des jeunes aiment quelque chose, un certain style de musique, même s'il est plus grand, n'approuve pas. Mais qu'ils ne traînent pas dans la rue et qu'ils ne deviennent pas des voyous. Au moins, ça occupe leur esprit. Par contre, si des fois dans la vie, au point de vue exemple, j'ai toujours bien agi, non, j'ai sûrement pas toujours très très bien agi, mais je ne connais pas quelqu'un qui a toujours bien agi dans sa vie non plus. C'est difficile d'être Johnny Hallyday. Oui, quand on est le point de mire, oui, il faut faire attention. Et vous faites attention? Maintenant, je fais attention. Vous êtes visé, vous êtes traqué, vous êtes... Non, assis. Je fais attention parce que d'abord, je crois que quand on est un exemple pour des gens, quand des gens peuvent se retrouver ou espèrent se retrouver en quelqu'un, il faut faire attention à ce qu'on fait. Enfin, chacun de vos faits et gestes est commenté, ça finit par être terriblement agaçant. Commenté en général et aggravé aussi. Qu'est-ce que vous devez à la société? Une grande chance? À la société, je crois que... Je ne sais pas si je dois tellement à la société. Vous devez à qui? À Johnny Hallyday? Non, je crois que je dois beaucoup à des gens qui ont cru en moi et qui m'ont aidé. De toute manière, une réussite n'est jamais gratuite. La vôtre, c'est la résultante d'un travail... Je crois que j'ai eu beaucoup de chance. Parce que je pense qu'en France, il y a énormément de chanteurs inconnus qui ont du talent, qui chantent mieux que moi. Et qui n'ont pas eu la chance de rencontrer ou de s'affirmer dans un style et de rencontrer quelqu'un qui les a lancés. Moi, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Je crois qu'on est peu en France à faire ce métier et le peu que nous sommes, nous avons de la chance. J'ai l'impression, Johnny Hallyday, que vous avez surtout beaucoup changé le jour où vous êtes devenu père. Et que là, oui. Vous êtes senti de lourdes responsabilités. Pas tout de suite, sans doute, mais... Non, pas tout de suite. Enfin, il y a eu un frisson dès le départ. Oui. Disons que... au début, j'ai eu peur. Parce que j'avais pas tellement l'habitude de cette vie de famille. Et puis quand j'ai vu ce petit bambin, parce que moi je l'appelle le bambin... David. Il a quel âge? Il a 4 ans. J'ai eu la trouille, quoi, il faut le dire. Et puis, ensuite, je l'ai vu grandir à tout ça, et on est devenus copains, et je dois dire que c'est formidable. Est-ce que vous avez des ambitions pour lui? Oh, non. Non, parce que je voudrais vraiment qu'il fasse ce qu'il a vraiment envie de faire, parce que dans la vie, je crois qu'on peut réussir quelque chose que si on a vraiment envie de faire. Moi, par exemple, je me rappelle ma tante, puisque c'est elle qui m'a élevé, quand j'avais 8 ou 9 ans, elle me forçait à prendre le violon. J'ai jamais pu en jouer. Et je crois qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à faire quelque chose. Et vous seriez fier si votre fils Dans une vingtaine d'années, t'es médecin, avocat. Une profession libérale tout à fait à l'opposé. Si c'est ce qu'il a envie de faire, oui. Et s'il le réussit, oui. Mais non, je veux dire par là, est-ce que ça pourrait vous flatter? S'il était dans le métier comme vous, s'il était artiste, je ne crois pas que cela pourrait vous étonner. C'est d'ailleurs... C'est-à-dire que j'aurais un peu la trouille, parce que s'il faisait le métier que je fais, moi je m'en suis plus ou moins sorti, parce que c'est pas que j'ai su garder ma tête sur les épaules, mais disons que je suis tombé dans un milieu de gens que j'ai compris, j'en ai tellement vu venir, j'en ai tellement vu disparaître. Ça m'a permis, moi, justement, de juger et de regarder autour de moi et de voir que ça ne sert à rien d'avoir la grosse tête. Au contraire, c'est un préjudice, je trouve. Et j'aurais la trouille qu'il, s'il faisait ce métier, de quoi, je ne sais pas exactement, mais je serais pas tranquille. Parce que vous le connaissez bien, vous savez que c'est un trou effroyable où tous les coups sont permis. Oui, c'est une jungle. C'est vraiment une jungle. Les gens qui se serrent la main en se souriant et puis qui, sitôt qu'ils ont le dos tourné, ce qu'ils peuvent se raconter sur le dos des autres, c'est assez, assez monstrueux, je trouve. Vous pensez que c'est pire qu'ailleurs? Pire qu'ailleurs, je ne sais pas. Je ne connais pas bien les milieux de médecins ou les milieux d'avocats, mais je pense que ça doit être pareil. Mais c'est, disons que c'est plus flagrant dans le métier de musicole. Johnny Hallyday, on a pensé longtemps que vous étiez mu par de très bons réflexes, mais qu'il n'y avait rien dans votre tête et on se trompait. Et les gens le savaient, ne faisaient pas l'effort et vous ne faisiez rien. Peut-être pour les convaincre. Que moi je ne faisais pas d'effort non plus. Mais justement pourquoi? Il y avait une espèce d'indifférence. Qui touchait à la lassitude d'ailleurs. Oui, je crois que c'est peut-être parce que j'étais un peu trop jeune et que... inconscient, peut-être. En tout cas, il y a une règle que vous avez toujours observée, c'est la fidélité aux amis. Oui, j'en ai très peu, c'est pour ça. Vous en avez fait, une bande j'y voulais... Non, j'ai pas de bande, c'est vous pas vous l'avez eu, cette bande? Oui, disons que j'avais une bande de copains, ce qui est très différent, parce que moi, des copains et des amis sont deux choses totalement différentes. Des copains sont des gens avec qui on sort, avec qui on fait la fête, mais il n'en reste rien. Des amis sont en général ceux sur qui on peut compter dans les mauvais moments, dans les bons moments. Et j'en ai très très peu d'amis. Mais je sais que ceux que j'ai, je les compte sur les doigts d'une main, mais ce sont des purs. On en arrive à ce paradoxe, j'en ai à l'idée que lorsque tout va trop bien, on pense parfois qu'il faut en finir avec la vie, et vous l'avez pensé. Et c'est parce que tout allait trop bien. Je ne sais pas. J'étais dans un moment critique de ma vie. Où rien n'allait bien, justement. Enfin, rien n'allait bien du côté vie privée et du côté métier. C'était une époque qui allait très très mal pour moi. Et de toute façon, je regrette ce que j'ai fait parce que... ça me fait tellement de peine de voir... je ne veux pas revenir là-dessus, mais d'autres gens... Je pensais à Lucien Maurice, ça m'a fait tellement de peine et je trouve que ça fait tellement de peine pour ceux qui restent qu'on n'a pas le droit de le faire. Pour les autres? Pour les autres, oui. Enfin, si on a un peu de respect pour les autres. C'est de l'égoïsme? Je crois que c'est de l'inconscience pour le moment. Parce que je ne pense pas que Lucien Maurice était quelqu'un d'égoïste. Au contraire. Mais je crois que c'est très triste pour ceux qui restent et ça ne se remplace pas. Johnny Hallyday, est-ce que vous vous souciez de votre, disons, notoriété? Est-ce que vous êtes obligé de la polir, de l'entretenir? Non, je ne crois pas, je me force de ce côté-là. Parce que vous avez la chance d'être sur le podium le plus haut, au numéro 1? Je ne crois pas au numéro 1, moi. Je crois que ça ne veut rien dire. Je crois qu'il y a des numéros 1 partout. Je crois que on peut faire son métier, je veux dire, honorablement, sans être le numéro un, et ça n'enlève rien. Je ne suis pas le numéro un, il y en a d'autres. Ou alors si je fais partie des numéros un, disons qu'il y en a d'autres avec moi. Mais vous n'avez jamais imaginé qu'un jour, remarquez, il faudrait voir pour très longtemps, vous pourriez faire la deuxième partie, la première partie du programme de l'Olympia plutôt que la deuxième? Je ne me dérangerais pas si je peux faire ce que j'ai envie de faire. On dit ça aujourd'hui. Non, ça me dérangerait vraiment pas. Non. Je ne chante pas pour être le numéro un. Je chante pour faire ce que j'aime et essayer de... En fait, quand on est des bouffons, je veux dire, dans ce métier. Car on est là pour distraire. On travaille... Moi, par exemple, je vois dans ce métier, on travaille surtout quand les autres sont en vacances. Donc on est un peu comme, à l'époque on appelait ça les troubadours, bon maintenant ça a changé, mais on est guère plus. Vous savez, à l'époque, les troubadours, c'était merveilleux. Oui. Une très belle situation. Lorsque vous dites bouffon, ça... Non, enfin, je me comprends quand je dis bouffon, je veux pas dire ça, c'est pas péjoratif ce que je dis. Mais on peut aussi bien être bouffon si on est comique, que troubadour si on est sentimental. Vous êtes bien dans votre peau, Johnny? En ce moment, oui. Ça dépend. Vous avez trouvé le point de chute? J'ai trouvé le point de chute, oui. Je sais bien que vous n'avez pas eu une enfance heureuse, mais aujourd'hui, si votre père vous demandait de vous revoir, est-ce que vous accepteriez? Mais je l'ai revu déjà. Vous l'avez aidé? Bien sûr. Pourtant, au départ... Je ne sens pas pour lui, je vais être très honnête, je ne sens pas pour lui des... C'est très difficile quand je le vois, parce que je ne ressens pas pour lui les sentiments d'un fils envers un père. Je ne lui reproche rien, parce que chacun décide dans sa vie... comment il doit l'amener. Donc je ne lui fais aucun reproche là-dessus. Et je n'ai aucune raison de lui en faire, puisque maintenant, moi, j'ai ma vie de mon côté, j'ai mon foyer de mon côté. Mais disons que quand je le vois, c'est plutôt comme un ami, plutôt que... Je ne me sens pas du tout les sentiments d'un fils envers un père. C'est-à-dire que vous avez voulu être en règle avec vous-même? En règle, je ne sais pas, parce avec que je ne me suis pas forcé. Je veux dire... C'est quand même mon père, je veux dire. Mais disons que je n'ai pas les sentiments d'un fils envers un père. Vous avez de la générosité. Cette générosité est simple, elle est discrète, mais vous savez, souvent, dans ces cas-là, l'égoïsme, le plus grand, justement, c'est de donner. Bien sûr. Et vous donnez beaucoup. Pas à n'importe qui, quand même. Non, parce que je suis très égoïste. Et j'aime bien faire plaisir aux gens, et des fois peut-être un peu trop, et ça les gêne. Car ça gêne toujours beaucoup plus de recevoir que de donner, en fin de compte. Alors... Mais vous vous faites plaisir. Ah oui, moi j'ai énormément plaisir à faire plaisir aux autres. Nous parlions tout à l'heure de Lucien Maurice, mais il y a eu une autre mort, et qui vous a beaucoup touché aussi, c'est celle de Jimi Hendrix. Et là, nous sommes obligés de considérer et la drogue, et tous les excès que peut commettre un jeune garçon en pleine gloire. Ouais, surtout qu'il était très jeune, il avait 24 ans. Et je trouve que c'est horrible, ce qui est arrivé. Je crois que... Je crois que de toute façon que... La drogue, de toute façon, est interdite, mais je crois que l'alcool devrait l'être aussi. Parce que l'alcool fait autant de dégâts que la drogue, sinon plus, car il y a beaucoup plus de gens, les statistiques le prouvent, qui boivent. D'abord, c'est plus facile à trouver, on le trouve n'importe où. Moi, personnellement, j'aurais peur qu'un jour mon fils se drogue. Vous êtes drogué, vous, Johnny ? Ça m'est arrivé de fumer, oui. Vous le regrettez ? Oui. Mais vous ne pensez pas que, ayant commencé par la marijuana, comme on dit, et comme on dit, elle n'est pas nocive, c'est ce que disent certains, mais elle est le début de l'escalade, car elle conduit à l'héroïne, elle conduit à tout le reste. C'est possible, oui, c'est pour ça que j'ai pas voulu continuer. Je l'ai essayé parce que tout le monde m'en parlait, et puis je me suis rendu compte que je ne voulais pas tomber dans l'excès. Ou devenir un drogué, car il n'y a rien au monde qui me fait plus peur que quand on parle de drogue. D'abord, je trouve que c'est ridicule. Dans la vie, on dit toujours, l'argent n'a pas d'importance si on a la santé. Alors pourquoi se la détruire ? Vous êtes un homme fort. Vous l'êtes devenu. Non, je pense que je suis... J'ai peur, justement. C'est parce que j'ai peur. Parce que j'ai peur que je ne veux pas y toucher. Je sais que ça fait bien dans le milieu d'artiste de dire, oui, moi je me drogue. Moi, j'ai pas de honte de dire que je me drogue pas et ça ne me tente pas du tout. J'ai l'impression d'ailleurs que ça ne fait plus bien. C'est passé de mode. Oui, enfin, disons que ça faisait bien il y a 6 mois, quoi. J'ai l'idée. Vous vous rappelez Le Petit Cheval Blanc? Je crois que c'était un poème de Paul Fort. Le Petit Cheval Blanc, oui, que chantait Georges Brassens. Oui, mais c'était une aventure pour vous, je crois, lorsque vous étiez jeune. Oui, parce que. Je voulais faire de la comédie à cette époque-là et. D'abord, je chantais cette chanson, cette mélodie de Brassens, et j'avais passé une audition un jour où j'avais récité Le Petit Cheval Blanc. On m'a interrompu au milieu, on m'a dit « Non, vraiment, vous ne sentez pas, vous n'êtes pas fait pour ça, vous devriez faire autre chose. » Alors j'étais très vexé, je suis parti. Si on vous avait dit un jour que vous deviendriez célèbre, si par exemple à la sortie de la Alhambra, quelqu'un s'était précipité sur vous en vous disant « Dans 2 ans, tu seras en haut de l'affiche. » Oui, non, je pensais pas. J'aurais pas cru. Parce que le style de musique que je faisais à l'époque n'était pas du tout un style de musique apprécié en France. Et moi, je pensais en faire, en fin de compte, comme j'ai été élevé par Lee Hallyday et par sa femme qui avait un numéro de danse, moi, je pensais vraiment faire un numéro et passer dans des cabarets, dans des boîtes, enfin, c'est-à-dire dans des tournées en première partie, comme font par exemple les jongleurs ou les magiciens. Et je pensais pas du tout, d'abord, que ce style de musique marcherait à ce point-là, que ça prenne une telle importance et que moi je marcherais un jour, parce que il n'y avait aucune raison, je veux dire, j'avais aucun talent. J'étais plutôt mauvais, je veux dire, à l'époque, j'ai pas honte de le dire. Vous vous trouvez bon aujourd'hui ? Disons que j'ai pris du métier, alors je connais des trucs, et puis, en fin de compte, ce métier est fait de trucs. Modeste, en plus ? Non, pas du tout, non, mais je... Astucieux, je sais, non, je sais très bien ce que je vaux, et je sais très bien ce que... Il faut pas non plus se faire des idées. Enfin, j'ai l'impression que le jeune loup que vous étiez est devenu sage. Tout à l'heure, nous parlions de votre fils David. Vous êtes quel père exactement ? Attentif ? Je suis copain. Copain parce que je crois que ce que je voudrais donner à mon fils, c'est ce que moi je n'ai jamais eu. C'est-à-dire, je voudrais que mon fils ne me considère pas comme un père sévère, mais comme un père copain. C'est-à-dire que s'il a des problèmes, qu'il m'en parle. Ce que je crois, en fin de compte, c'est ce qui est le plus important, c'est d'avoir une confiance réciproque et que Car les problèmes, il faut mettre à la portée des enfants. Leurs problèmes, qui sont peut-être insignifiants pour nous, sont aussi importants pour eux que nos problèmes à nous. Je veux dire, il faut se mettre à leur portée, je crois. Vous êtes passionné par la politique ? Non, pas tellement. Non. Vous avez des idées, quand même ? Oui. À droite, à gauche, ça veut rien dire, mais vous vous placez de quelle manière ? Oui, moi je crois que dans la vie, il faut... Je ne suis pas contre l'argent. Et je crois que quand on gagne de l'argent, si on en gagne, il ne faut pas avoir honte de le dire. Je ne suis pas du tout gauchiste. Vous ne pensez pas que ça peut vous faire du tort de dire cela ? Non, pourquoi ? Parce que... Pour vos fans. Mais pourquoi ? Parce cela que voudrait si dire qu'ils sont de l'autre côté. Pas du tout, non. Je crois que dans la vie, les gens sont ce qu'ils veulent bien être. Je crois que si un jour... Moi, j'ai eu une discussion avec un ami à moi qui me dit, oui, tu comprends, il faut tout renverser, il faut... Je dis, mais pourquoi ? Si un jour, tu vas gagner de l'argent, est-ce que tu vas le distribuer, tu vas pas le garder ? Il dit, oui, mais j'en gagne pas. Je dis, bon, ben, si ça t'arrive un jour d'en gagner, je veux dire... Capitaliste, Johnny Hallyday ? Pas non plus, non. Parce que vivre, quoi. Non, j'essaye de vivre avec les moyens qui me sont donnés. Vous avez raison d'afficher la couleur. Hein. C'est la meilleure manière de s'exprimer. Je crois, oui. Nous parlons tout à l'heure de Jimi Hendrix, on l'écoute ? Avec plaisir. Some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody Johnny Hallyday, j'ai l'impression que nous avons suivi tous les chemins, l'enfance, l'adolescence, la jeunesse, puis ensuite cette ascension vers les sommets. Nous avons parlé de votre fils, David. Je vous ai demandé si vous étiez un bon père, vous m'avez répondu que vous étiez un bon copain. Et j'aimerais savoir maintenant si vous êtes un bon mari. Ah, ça c'est... ça, c'est... Enfin, je crois qu'on est... Il n'y a personne vraiment qui est un bon mari ou un mauvais mari. Je crois que... D'être un bon mari, ça doit être avant tout une compréhension de la femme et de l'homme, et de bien s'entendre, je crois. Elle existe avec Sylvie Vartan ? Ah oui, autrement on ne serait plus ensemble depuis longtemps. Vous êtes Lyon, vous, hein ? Non, c'est ma femme qui est Lyon, moi je suis Gémeaux. Gémeaux, oui, c'est ça. Alors j'ai retrouvé l'explication des signes, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Donc alors, Sylvie Vartan, Lyon, Johnny Hallyday, Gémeaux, hein ? C'est bien cela. Oui, oui. Entre les Gémeaux et le Lyon, il peut y avoir certains points communs, mais que leur tempérament diffère. À moins que chacun d'eux ne fasse un effort considérable pour comprendre le caractère de l'autre, une union de ce genre peut être tout à fait intolérable. Oui, c'est vrai. Ça, c'est le premier point. Il y a quelque chose de vrai là-dedans ? Oui, je crois que, en fin de compte, de vivre avec une femme, c'est quand même un peu... on dit toujours, le plus difficile, c'est de partager sa salle de bain le matin. Et je crois que c'est vrai. Je crois qu'il faut faire beaucoup d'efforts, mais je crois qu'il faut faire des efforts au début. Et puis... Après, c'est l'habitude ? Non, je crois pas à l'habitude, moi. Je crois que l'habitude n'existe pas, ou alors l'habitude, ça devient la fin, je crois. Non, je crois que de l'amour et de la tendresse. Je crois qu'au début, c'est la passion. Ensuite, ça, la passion se transforme en amour et en tendresse. Il y a des gens qui appellent ça l'habitude. Moi, j'appelle pas ça l'habitude. Moi, j'appelle ça de la compréhension et de l'amour. Alors, je continue. C'est toujours l'explication des signes. Pourtant, c'est bien souvent qu'ils sont attirés l'un vers l'autre, car ils sont l'un et l'autre fascinés par le prestige, la mondanité, l'aspect extérieur des choses, ce qui flatte leur vanité. Ça, je ne suis pas tellement d'accord, parce que je connais bien Sylvie. On aime à peu près les mêmes choses pour ça. On n'est pas mondain du tout. Enfin, moi, par exemple, j'ai horreur d'aller à une soirée, je veux dire, habillée. Je préfère carrément sortir avec ma femme en tête-à-tête. On n'est pas tellement pour les mondanités. Fasciné par le prestige, quand même? Oui. Je suis assez fier de ma femme, ce qu'elle a fait hier, par exemple. Et ça, disons que ça flatte mon orgueil. Un beau succès, l'Olympia. Oui. Mais par exemple, si vous étiez invité en même temps par un comédien, à la même minute, par un comédien et par un ministre, vous choisiriez d'aller chez qui? Moi, personnellement? Oui. Un ministre en vue, bien sûr. Oui, bien sûr, oui. Chez le comédien. Pas parce que ça ne m'intéresserait pas de connaître un ministre. Au départ, j'aurais peut-être à faire moins d'efforts et je serais peut-être plus à l'aise avec un comédien. Alors, je continue toujours l'explication des signes, et cette fois-ci, vous êtes directement visé. Lui, c'est-à-dire vous, Johnny Hallyday, il est plein d'une aisance nonchalante, éminemment adaptable. Elle est indépendante, énergique, et lorsqu'elle désire quelque chose, elle n'y va pas par quatre chemins. Par nature, il est volage, il aime le flirt. Moi je lis ce qu'écrit ici. Oui, c'est pas faux. Bon, mais sauf à l'égard de son épouse, ses sentiments sont en général assez impersonnels, et en fin de compte, et c'est ce qui est important, et là vous allez pousser le grand cocorico, il sera fidèle à celle qu'il a choisie. Je suis assez fidèle, mais c'est vrai. Je suis assez fidèle, pas... parce que moi, je considère que c'est pas très important, je veux dire. Le flirt, enfin, je veux dire, c'est pas tromper quelqu'un, je veux dire. Mais je crois que c'est pas respect envers la personne avec qui on est. Vis-à-vis des autres. Pas tellement pour soi-même. On en revient maintenant à une nouvelle facette de votre carrière, c'est le cinéma. Et je me souviens, René Simon me disait, d'ailleurs ici même dans cette émission, Johnny Hallyday devrait abandonner tout de suite la chanson car il pourrait être le John Wayne français. Il est en train de perdre du temps à s'afficher au musical. Alors est-ce que vous y pensez? Ben oui, j'étais fâché avec le cinéma il y a quelque temps. Et je dois dire que depuis ce film avec Robert, je suis... Disons que je suis réconcilié avec le métier d'acteur. Mais je tiens à dire que si c'était pour retomber dans des films faciles, je préférais ne plus faire de cinéma. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette critique? Je prends la... les critiques ont été très bonnes en général. Oui. Mais je prends cette critique qui est également bonne, mais avec un peu de piment quand même. Oui. Robert Hossein a le mérite d'avoir été le premier à traiter avec respect un acteur qui n'est pas encore James Dean, qui ne sera peut-être jamais Gérard Philippe, mais dont on sait désormais qu'il existe. Je crois que les trucs que j'ai dans le métier de musical, je ne les ai pas encore au cinéma, et je crois que c'est en tournant, en fin de compte, qu'on apprend. Car moi, la première fois que j'étais sur une scène, j'étais vraiment très très mauvais. Et puis, disons que le travail et l'habitude sur une scène, on n'apprend pas dans une chambre, je ne crois pas. Je crois qu'on apprend devant une caméra. Une fille à côté de moi l'autre jour disait au cinéma, il est beau. Vous en étiez aperçu, vous? Non, je dois dire que... Ben, on fait quand même toujours un peu attention dans ce métier à son physique, je veux dire, c'est normal. Je n'ai jamais fait attention à ça, je veux dire. Moi, le plus important pour moi, je crois que c'est pas d'être beau, je crois que c'est d'avoir, une gueule, quoi. Une présence. Un physique. Une bonne gueule. Oui. Mais votre univers, ça n'est pas un paradis un peu artificiel? C'est pour cela que vous voulez en sortir? Il y en a un peu, oui. Il y a même beaucoup. Vous étiez fait pour tout ce bruit, pour toute cette gloire? C'est-à-dire que je n'avais rien d'autre. Je n'avais pas le choix. car je n'ai pas fait d'études approfondies. Je n'avais vraiment, je veux dire, dans la vie, pas grand-chose à espérer. Et tout ce que je... Comme en fin de compte, j'ai été élevé par des gens de musicole, disons que j'ai porté toute mon attention et tout ce que j'avais appris et ce que je savais faire là-dedans. Vous le préparez, votre avenir, aujourd'hui, vous y pensez? Qu'est-ce qu'il est? Ben, mon avenir, pour moi, c'est d'essayer d'évoluer dans le sens... Dans le sens... du métier que je fais. Je crois qu'on ne peut jamais se partager quand on fait un métier. Je crois que si on fait un métier... J'en parlais l'autre jour avec François Perrier, qui, pour moi, est un grand comédien. Il m'a dit, il ne faut pas se partager. Il faut vraiment... Faire, si on a décidé de faire ce métier, il faut même des fois savoir refuser d'autres choses peut-être plus intéressantes, mais y aller à fond et ne penser qu'à ça. Je crois qu'il a raison. Si vous deviez choisir, ce sera ma dernière question, si vous deviez choisir un jour, qu'est-ce que vous voudriez être? Un acteur ou un homme? Oh, un homme, certainement. Merci, une génialité. J'ai accueilli aujourd'hui Johnny Hallyday et je vous recommande maintenant d'aller voir son film Point de chute. Vous verrez un visage, vous verrez des yeux et faites comme moi. Voyez-le pour la première fois car si je le connais depuis 7 ans, je l'ai enfin découvert. C'était la radioscopie du 22 septembre 1970 dans laquelle Jacques Chancel recevait Johnny Hallyday.